Fuite. Quand je me retourne en sueur, poursuivant ma diatribe dans le filet de voix qui me reste, Lila a disparu. Je la cherche des yeux, la grande terrasse est désespérément plate, vide de la présence céleste de ma douce. J'aperçois la porte de la trappe refermée, je l'ouvre, mettant la tête à l'intérieur et je crie « Lila ! Lila !» Ma voix se perd dans la nudité des couloirs. Seul écho me répond, et dans le ton de sa voix, je crois percevoir la confirmation de mon retour à la solitude. J'imagine Lila, courant dans les couloirs, les mains sur les oreilles, voulant empêcher à tout prix les éclats de mes cris de bête de contaminer ses tympans. Je dévale les barreaux de la petite échelle en appelant ma belle à plein poumon. Je fonce dans les couloirs tête baissée, ouvrant à coups de pied chaque porte qui claque furieusement. J'éructe le prénom de Lila qui s'incruste à jamais dans tous les murs d'Ekati, de toutes les pièces. J'ai l'impression d'être allé trop loin, d'avoir usé sa patience jusqu'à la dernière fibre. Je me sens coupable d'un surplus d'honnêteté. J'ai trop laissé parler mon cœur, sans passer par le filtre modérateur du bon sens. Je suis complètement retourné par mon manque de talent de comédien. Je le sais pourtant. On ne peut pas être totalement franc dans un couple, ni nulle part ailleurs. Sinon, on finit seul. On doit tout garder à l'intérieur, se bouffer le ventre, s'ériger sans cesse des boucliers. Et qu'on ne vienne pas me dire, à moi, que tout dépend de la forme. C'est bien le fond dont l'être humain ne veut absolument pas entendre parler. Par exemple, je ne peux pas dire à Lolek, ni d'une façon, ni d'une autre, « Écoute, Lolek, ta conversation m'ennuie maintenant. » « Ou Adanka ?»« Elle ne te va pas du tout bien, ta nouvelle franche. » « Ouais, mais... »« Tu as encore pris du ventre, tu dois manger gras. » « Pas plus que je ne dois avouer à Lila. » « La vie que tu me proposes ne me convient pas. » « Je dois jouer, jouer, toujours jouer. C'est épuisant, la scène. » Mais là, je ne joue plus. Je cours, je cours, je cours toujours, bras moulinants, tête en avant, dans une tentative désespérée de record universel, la langue détachée de la bouche, les yeux indépendants, le corps désarticulé, les larmes déferlant de tout mon être. Quand j'arrive dans le sous-sol, je constate la disparition de la lampe torche que j'avais déposée à l'entrée. Lila, bien sûr. Comment lui en vouloir? Bien que je connaisse les lieux, et alors que tout mon être commande à mes muscles de courir à en perdre haleine, je suis dans l'obligation de me brider sévèrement pour adopter une marche lente, saccadée par le conflit intérieur, tâtant les murs suintants d'humidité pour ne pas m'égarer. Je n'entends rien que mes pas, les battements désordonnés de mon cœur et le crissement de mes doigts sur le crépi craquelé. Dans le noir, le couloir semble encore davantage interminable. Je comprends que j'en atteins enfin le bout quand j'aperçois au loin la faible lueur clignotante des guirlandes électriques. Je saute dans la bouche du tunnel, puis après avoir fébrilement refermé la trappe, je descends l'échelle en trombe. Mon vélo est là, gisant, seul, effroyablement seul. D'un bond, je le relève et l'enfourche pour pédaler aussitôt à tout rompre. Les murs défilent. Le vent que je déplace fait bruire les guirlandes, bouscule les décorations, incendie les lampes de Noël. Lila n'est toujours pas en vue. Elle a pris une avance de quelques grosses minutes et elle sait actionner ses mollets aussi bien que moi, voire mieux. Je dois rejoindre le groupe de tête. Je me suis fait lâcher dans les lacets de ma logorée. J'ai peut-être déjà perdu le tour de notre amour à cause d'un simple moment d'inattention. La sueur que génère mon front s'évapore aussitôt. Je déplace des mètres cubes de terre à chaque seconde, mes roues fomentant des milliers de révolutions. Mais je demeure seul. Les muscles de mes cuisses se prennent pour du marbre, durs et gorgés de sang. Mes bras tirent le guidon vers mon torse, essayant d'arracher le métal prêt à rompre, afin que mon corps martyrise un peu plus les pédales. Ma tête, en recherche de vitesse, s'est penchée vers l'avant. Tout mon corps est uni dans une même lutte. Je suis en sprint final permanent, en finish perpétuel, au coude à coude avec moi-même. Je vais au bout de mes forces pour emporter le contre-la-montre, face à mes contradictions, ma mauvaise foi, mon égoïsme, ma philosophie à deux sous, ma peur de l'autre, ma pusillanimité. Je suis seul, dopé à l'amour, face à une foule de concurrents redoutables. Ce serait à ma grande surprise, si j'avais encore des émotions, que, la gorge sèche, hors d'haleine, je parviens à la fin du tunnel, gardant le même rythme surpuissant sur la petite côte qui mène à mon jardin. Le saut que j'effectue a quelque chose de fabuleusement vertical et d'olympique. Le temps se suspend, et je croirais voir au sol, loin de moi, une escouade d'ennuyeux chronométreurs bardés de très sérieux preneurs de mesures à l'affût du record. Me débarrassant de ma monture en plein vol pour plus de liberté, je la laisse finir sa course dans les rosiers qu'elle veut, tandis que j'appelle à mon secours toute la gravité terrestre qui m'est due, et même plus, pour transgresser les lois de l'attraction, pressée de toucher terre. Mais je n'y peux fichtrement rien, je suis complètement chagalisé. Comme au ralenti, je regarde ma bicyclette s'encastrer avec fracas dans le conduit de cheminée du voisin. Je contemple le spectacle lunaire de mon jardin, la bâche sur le toit de ma petite maison, pendant que je monte toujours plus haut. Mon existence tranquille prend du champ. Mes poules ne sont plus que des petits points agités. Le hameau où je vis perd de sa netteté. Mon sweet home se rapproche de la ville dont je perçois la forme circulairement médiévale, au bout du chemin, après la côte que nous avions prise avec notre attelage, Lila et moi. Je m'en souviens. C'était le plus beau jour de ma vie, ou peut-être le pire, le début de la fin. Puis, passant au travers des nuages dont j'essaie de saisir de mes doigts transparents quelques touffes barbapapesques, je perçois la forme de mon pays, les découpes qu'il adopte lorsqu'il disparaît dans la mer, les contours des continents, les bleus des océans. Ça y est, l'attraction terrestre n'a plus de prise sur moi. Je suis à présent plus léger qu'un souffle. Je fais la planche dans l'espace. J'orbite tranquillement. Je ne suis plus pressé par rien. Plus rien ni personne n'a d'importance. Mon amour est parti par ma faute. Je peux bien aller vivre sur Mars, sculpter la roche rouge jusqu'à épuisement. Je fais la planche, les oreilles dans la voie lactée. Je suis conscient de n'être rien, et ce constat me plaît. Oh, comme il me ravit! Aucune culpabilité, plus de but, de la jouissance à l'état pur. Je fais la planche, le sel de l'univers porte des membres qui ne sont plus à moi. Je virevolte dans l'absence d'atmosphère, bras en croix. Je suis Dieu! Je ne crois plus qu'en moi. Je vais vivre éternellement dans un septième jour. Les déchets de l'espace passent en trombe, sifflant à mes oreilles. Des rebuts de satellites russes, italiens, français, chinois, américains, coréens, qui s'unissent exceptionnellement afin de constituer le lieu étrange de l'espace. Je m'en moque. Je fais la planche, auto-crucifié. Je me voue un culte éternel. Je bâtis en pensée des espaces de prière colossaux, où les fidèles se réunissent, pour me hurler d'une même voix la longue liste de mes défauts et de mes faiblesses. Je brûle d'un bonheur masochiste, je suis l'éternel inutile qui draine une foule gigantesque de gens à la recherche des preuves de sa futilité. Je les absous tous pendant qu'ils me couvrent d'insultes, je suis le bouc émissaire de l'univers. Je décharge l'intégralité de la population de la totalité de ses frustrations. Je suis un concentré d'énergie négative, une pile prête à exploser. Et en effet, j'explose. La loi est dure, on le sait, et la gravité me rappelle à son bon souvenir, fracassant sans aucun égard ma planche céleste. Bras et jambes vers le ciel, dos arc-bouté vers la terre, c'est la chute. Je dégringole des étoiles, je fends l'espace, mésosphère, stratosphère, troposphère. La planète bleue grossit sous mes épaules à une vitesse démesurée. Tournant la tête, je devine à nouveau la ville, mon hameau, ma maison, mon jardin. Je vais mourir, je suis prêt, je n'ai plus rien à perdre. Le choc est rapide et brutal. C'est fini. Alors c'est cela la mort ? Tout est sombre, bouché. Ce n'est pas tellement douloureux, en fin de compte. Même pas de tunnel avec une lumière au bout. C'était dans la vie, ça. Je constate que la mort a un fort goût de terre, mais je ne peux désormais plus rien noter dans mon cahier. Au bout d'un siècle, peut-être davantage car le temps n'a plus d'importance ici, je réalise que je peux bouger mes membres comme avant. J'en profite. Si je suis plus engourdi que dans mon état de vivant, je parviens cependant à mouvoir bras et mains vers le haut. Mes jambes me répondent aussi, et j'entame une ascension interne vers l'inconnu. S'il faut encore se démener dans l'au-delà, je me demande bien à quoi ça sert de mourir. Je trime toujours, pestant contre la faucheuse dont je n'apprécie pas le sens de l'humour. Tout d'un coup, la lumière devient extrêmement vive. Le bout du tunnel ? La main en visière, je me dirige vers la clarté. J'escalade les derniers centimètres. Il fait bleu. Regardant vers le bas, je m'aperçois que je ne suis que vivant, perché au sommet d'un monticule de terre gigantesque au beau milieu de mon jardin. Je tente de faire la planche à nouveau, m'attendant à m'élever dans les cieux. Mais je perds l'équilibre, dévalant en roulade de l'énorme tas de terre pour m'étaler dans ce qui reste de mon potager. Au moins, je ne peux pas tomber plus bas. Sur le dos, la tête entre les genoux, je me demande si je dois me réjouir de ma condition de non-mort. Je suis d'une indécision crasse. Je respire lentement, j'attends quelque chose qui ne vient pas. Lila. Cœur battant, je me relève, inspectant sans retard chaque centimètre carré de ma maison, du jardin, du poulailler, de l'atelier. Elle n'est pas là. Et pourtant, elle ne peut pas être partie, son vélo est ici. Elle n'a pas pris un des miens, je viens de les compter, de les recompter. Ils sont tous là, sauf bien sûr celui qui joue au Père Noël chez mes voisins. 83 plus 1. Lila aime trop sa liberté pour partir à pied, je l'affirme. Je tempête sous mon crâne, marchant nerveusement en cercle, main dans le dos. Lila n'est pas visible, mais mon sonar intérieur me signale qu'elle est proche. Sous mes pieds ? Mais oui, bon sang ! Je parcours le jardin à la recherche d'un nouveau trou. Et j'en trouve un, en effet. La terre est fraîche, nouvellement retournée.